Et maintenant, la définition du jour qui nous vient donc de, en fait, d'une personne qui va jouer ce soir, qui s'appelle Richard Youngs, et qui utilise un instrument que l'on appelle le dulcimer. Mais qu'est-ce que c'est ? Et le dulcimer, c'est un instrument de la famille des sitars. On en trouve de trois sortes. Il y a le dulcimer du Moyen-Âge, des pays anglophones, qui est un instrument à cordes frappées en forme de forme rectangulaire ou trapézoïdale. Ça se joue plutôt sur les genoux. Il y a le hammered dulcimer, aussi des pays anglophones, qui est aussi un instrument à cordes frappées un peu plus moderne, de forme trapézoïdale, et donc c'est un dérivé du précédent. Et il y a enfin le dulcimer des Appalaches américains, donc ça c'est celui que Richard Youngs utilise. En anglais on appelle ça le mountain dulcimer ou Appalachian dulcimer, avec un meilleur accent. Instrument à cordes pincées, étroits et allongés en forme de 8 ou en forme de larme ou de diverses autres formes plus ou moins arrondies. Voilà. Ça se joue dans la musique traditionnelle américaine du Nord, États-Unis. Et c'est un instrument descendant d'instruments du Nord de l'Europe qui est arrivé en Amérique du Nord via les colons d'Europe du Nord. Donc les instruments à l'origine du mot dulcimer étaient en vogue au Moyen-Âge et ça portait en vieux français le nom de dulcemel ou de doucemel qui signifie douce mélodie. Des termes en adéquation avec le son qu'ils produisaient, de puissance sonore modeste. Et par des formations phonétiques, les anglophones du Moyen-Âge ont modifié le mot dulcemel en dulcimer. Vous voyez ? C'est ça que ça a donné. Et donc, on va écouter ça tout de suite, ce doux son. Oui. Et voilà, c'était la dulcimer, autrement dit le dulcimer, que vous pourrez écouter peut-être ce soir. On ne sait pas encore exactement ce que Richard Youngs fera. Et maintenant, je passe la parole à Antoine pour présenter la suite.